La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 4e, à qui est due la grandeur des Romains. Chapitre 26. Des jeux scéniques institués par les païens sur l'ordre de leur dieu. Ce sont là, nous dit Cicéron, Tusculane, 1, 26, des fictions poétiques. Homère, ajoute-t-il, transportait chez les dieux les faiblesses des hommes. J'aimerais mieux qu'il eût transporté chez les hommes les perfections des dieux. Juste réflexion d'un grave esprit, qui n'a pu voir sans déplaisir un poète prêter des crimes à la divinité. Pourquoi donc les plus doctes entre les païens mettent-ils au rang des choses divines les jeux scéniques où ces crimes sont débités, chantés, joués et célébrés pour faire honneur aux dieux? C'est ici que Cicéron aurait dû se récrier, non contre les fictions des poètes, mais contre les institutions des ancêtres. Mais ceux-ci, à leur tour, n'auraient-ils pas eu raison de répliquer « De quoi nous accusez-vous ? Ce sont les dieux eux-mêmes qui ont voulu que ces jeux fussent établis parmi les institutions de leur culte, qui les ont demandés avec instance et avec menace, qui nous ont sévèrement punis d'y avoir négligé le moindre détail, et ne se sont apaisés qu'après avoir vu réparer cette négligence. Et, en effet, voici ce que l'on rapporte comme un de leurs beaux faits. Un paysan nommé Titus Latinius, reçut en songe l'ordre d'aller dire au Sénat de recommencer les jeux, parce que, le premier jour où on les avait célébrés, un criminel avait été conduit au supplice en présence du peuple, triste incident qui avait déplu aux dieux et troublé pour eux le plaisir du spectacle. Latinius, le lendemain, à son réveil, n'ayant pas osé obéir, le même commandement lui fut fait la nuit suivante, mais d'une façon plus sévère, car, comme il n'obéit pas pour la seconde fois, il perdit son fils. La troisième nuit, il lui fut dit que s'il n'était pas docile, un châtiment plus terrible lui était réservé. Sa timidité le retint encore, et il tomba dans une horrible et dangereuse maladie. Ses amis lui conseillèrent alors d'avertir les magistrats, et il se décida à se faire porter en litière au Sénat, où il n'eut pas plus tôt raconté le songe en question qu'il se trouva parfaitement guéri et put s'en retourner à pied. Le Sénat, stupéfait d'un si grand miracle, ordonna une nouvelle célébration des jeux, où l'on ferait 4 fois plus de dépenses. Quel homme de bon sens ne reconnaîtra que ces malheureux païens, asservis à la domination des démons, dont on ne peut être délivré que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient forcés de donner à leurs dieux immondes des spectacles dont l'impureté était manifeste? On y représentait en effet, par l'ordre du Sénat, contraint lui-même d'obéir aux dieux, ces mêmes crimes qui se lisent dans les poètes. D'infâmes histrions y figuraient un Jupiter adultère et ravisseur, et ces spectacles étaient un honneur pour le dieu et un moyen de propitiation pour les hommes. Ces crimes étaient-ils une fiction? Jupiter aurait dû s'en indigner. Était-il réel et Jupiter s'y complaisait-il? Il est clair alors qu'en l'adorant on adorait les démons. Et maintenant, comment croire que ce soit Jupiter qui ait fondé l'Empire romain, qu'il ait agrandi, qu'il ait conservé, lui plus vil, à coup sûr, que le dernier des Romains révoltés de ses infamies? Aurait-il donné le bonheur, celui qui recevait de si malheureux hommages et qui, si on les lui refusait, se livrer à un courroux plus malheureux encore? Chapitre 27. Des 3 espèces de dieux distingués par le pontife Sévola. Certains auteurs rapportent que le savant pontife Sévola distinguait les dieux en 3 espèces, l'une introduite par les poètes, l'autre par les philosophes, et la troisième par les politiques. Or, disait-il, les dieux de la première espèce ne sont qu'un pur badinage d'imagination, où l'on attribue à la divinité ce qui est indigne d'elle, et quant aux dieux de la seconde espèce, ils ne conviennent pas aux états, soit parce qu'il est inutile de les connaître, soit parce que cela peut être préjudiciable au peuple. Pour moi, je n'ai rien à dire des dieux inutiles, cela n'est pas de grande conséquence, puisqu'en bonne jurisprudence, ce qui est superflu n'est pas nuisible, mais je demanderai quels sont les dieux dont la connaissance peut être préjudiciable au peuple. Selon le docte pontife, ce sont Hercule, Esculape, Castor et Pollux, lesquels ne sont pas véritablement des dieux, car les savants déclarent qu'ils étaient hommes et qu'ils ont payé à la nature le tribut de l'humanité. Qu'est-ce à dire, sinon que les dieux adorés par le peuple ne sont que de fausses images, le vrai dieu n'ayant ni âge, ni sexe, ni corps? Et c'est cela que ces voleurs veulent laisser ignorer au peuple, justement parce que c'est la vérité. Ils croient donc qu'il est avantageux aux états d'être trompés en matière de religion, d'accord en ce point avec Varron, qui s'en explique très nettement dans son livre des choses divines. Voilà une sublime religion, et bien capable de sauver le faible qui implore d'elle son salut. Au lieu de lui présenter la vérité qui doit le sauver, elle estime qu'il faut le tromper pour son bien. Quant aux dieux des poètes, nous apprenons à la même source que ces voleurs les rejettent, comme ayant été défigurés à tel point qu'ils ne méritent pas même d'être comparés à des hommes de quelque probité. L'un est représenté comme un voleur, l'autre comme un adultère, on ne leur prête que des actions et des paroles déshonnêtes ou ridicules. Trois déesses se disputent le prix de la beauté, et les deux rivales de Vénus ruinent Troie pour se venger de leur défaite. Jupiter se change en cygne ou en taureau pour jouir d'une femme. On voit une déesse qui se marie avec un homme, et Saturne qui dévore ses enfants. En un mot, il n'y a pas d'action monstrueuse et de vice imaginable qui ne soit imputée aux dieux, bien qu'il n'y ait rien de plus étranger que tout cela à la nature divine. Au grand pontife Sévola, abolis ces jeux, si tu en as le pouvoir. Défends au peuple un culte où l'on se plaît à admirer des crimes, pour avoir ensuite à les imiter. Si le peuple te répond que les pontifes eux-mêmes sont les instituteurs de ces jeux, demande au moins aux dieux qui leur ont ordonné de les établir, qu'ils cessent de les exiger, car enfin ces jeux sont mauvais, tu en conviens, ils sont indignes de la majesté divine, et dès lors l'injure est d'autant plus grande qu'elle doit rester impunie. Mais les dieux ne t'écoutent pas, ou plutôt ce ne sont pas des dieux, mais des démons, ils enseignent le mal, ils se complaisent dans la turpitude. Loin de tenir à injure ces honteuses fictions, ils se courroucerait, au contraire, si on ne les étalait pas publiquement. Tu invoquerais en vain Jupiter contre ces jeux ? Sous prétexte que c'est à lui que l'on prête le plus de crimes, car vous avez beau l'appeler le chef et le maître de l'univers, vous lui faites vous-même la plus cruelle injure, en le confondant avec tous ces autres dieux dont vous dites qu'il est le roi. Chapitre 28. Si le culte des dieux a été utile aux Romains pour établir et accroître leur empire, ces dieux que l'on apaise, ou plutôt que l'on accuse par de semblables honneurs, et qui serait moins coupable de se plaire au spectacle de crimes réels que de forfaits supposés, n'ont donc pu en aucune façon agrandir ni conserver l'Empire romain. S'ils avaient eu un tel pouvoir, ils en auraient usé de préférence en faveur des Grecs, qui leur ont rendu, en cette partie du culte, de beaucoup plus grands honneurs. Eux qui ont consenti à s'exposer eux-mêmes aux mordantes satires dont les poètes déchiraient les dieux, et leur ont permis de diffamer tous les citoyens à leur gré. Eux enfin qui, Loin de tenir les comédiens pour infâmes, les ont jugés dignes des premières fonctions de l'État. Mais tout comme les Romains ont pu avoir de la monnaie d'or sans adorer le dieu Orinus, ainsi ils n'eussent pas laissé d'avoir de la monnaie d'argent et de cuivre, alors même qu'ils n'eussent pas adoré Argentinus et Aesculanus. De même, sans pousser plus avant la comparaison, il leur était absolument impossible de parvenir à l'Empire sans la volonté de Dieu, tandis que, s'ils eussent ignoré ou méprisé cette foule de fausses divinités, ne connaissant que le seul vrai Dieu et l'adorant avec une foi sincère et de bonnes mœurs, leur empire sur la terre, plus grand ou plus petit, eût été meilleur, et n'eussent-ils pas régné sur la terre, ils seraient certainement parvenus au royaume éternel. Chapitre 29. De la fausseté du présage sur lequel les Romains fondaient la puissance et la stabilité de leur empire. Que dire de ce beau présage qu'ils ont cru voir dans la persistance des dieux Mars et Terme et de la déesse Juventas, à ne pas céder la place au roi des dieux. Cela signifiait, selon eux, que le peuple de Mars, c'est-à-dire le peuple romain, ne quitterait jamais un terrain une fois occupé, que, grâce au dieu Terme, nul ne déplacerait les limites qui terminent l'empire. Enfin que la déesse Juventas rendrait la jeunesse romaine invincible. Mais alors, comment pouvait-il à la fois reconnaître en Jupiter le roi des dieux et le protecteur de l'Empire, et accepter ce présage au nom des divinités qui faisaient gloire de lui résister? Au surplus, que les dieux aient résisté en effet à Jupiter, ou non, peu importe, car, supposez que les païens disent vrai, ils n'accorderont certainement pas que les dieux, qui n'ont point voulu céder à Jupiter, aient cédé à Jésus-Christ. Or, il est certain que Jésus-Christ a pu les chasser, non seulement de leur temple, mais du cœur des croyants, et cela sans que les bornes de l'Empire romain aient été changées. Ce n'est pas tout. Avant l'incarnation de Jésus-Christ, avant que les païens n'eussent écrit les livres que nous citons, mais après l'époque assignée à ce prétendu présage, c'est-à-dire après le règne de Tarquin, les armées romaines, plusieurs fois réduites à prendre la fuite, n'ont-elles pas convaincu la science des augures de fausseté? En dépit de la déesse Juventas, du dieu Mars et du dieu Terme, le peuple de Mars a été vaincu dans Rome même, lors de l'invasion des Gaulois, et les bornes qui terminaient l'Empire ont été resserrées, au temps d'Hannibal, par la défection d'un grand nombre de cités. Ainsi se sont évanouies les belles promesses de ce grand présage, et il n'est resté que la seule rébellion, non pas de trois divinités, mais de trois démons contre Jupiter. Car on ne prétendra pas apparemment que ce soit la même chose de ne pas quitter la place qu'on occupait et de s'y réintégrer. Ajoutez même à cela que l'empereur Adrien changea depuis, en Orient, les limites de l'Empire romain, par la cession qu'il fit au roi de Perse de trois belles provinces, l'Arménie, la Mésopotamie et la Syrie. En sorte qu'on dirait que le dieu Terme, gardien prétendu des limites de l'Empire, dont la résistance à Jupiter avait donné lieu à une si flatteuse prophétie, a plus appréhendé d'offenser Adrien que le roi des dieux. Je conviens que les provinces un instant cédées furent dans la suite réunies à l'Empire, mais depuis, et presque de notre temps, le dieu Terme a encore été contraint de reculer, lorsque l'empereur Julien, si est donné aux oracles des faux dieux, mit le feu témérairement à sa flotte chargée de vivres, le défaut de subsistance, et peu après la blessure et la mort de l'empereur lui-même, réduisirent l'armée à une telle extrémité, que pas un soldat n'eût échappé, si par un traité de paix on eût remis les bornes de l'empire où elles sont aujourd'hui, traité moins onéreux sans doute que celui de l'empereur Adrien, mais dont les conditions n'étaient pas, tant s'en faut, avantageuses. C'était donc un vain présage que la résistance du dieu Terme, puisqu'après avoir tenu bon contre Jupiter, il céda depuis à la volonté d'Adrien, à la témérité de Julien et à la détresse de Jovien, son successeur. Les plus sages et les plus clairvoyants parmi les Romains savaient tout cela, mais ils étaient trop faibles pour lutter contre des superstitions enracinées par l'habitude, outre qu'eux-mêmes croyaient que la nature avait droit à un culte, qui n'appartient en vérité qu'au maître et au roi de la nature, adorateur de la créature, comme dit l'apôtre, plutôt que du créateur, qui est béni dans tous les siècles. Romains 25. Il était donc nécessaire que la grâce du vrai Dieu envoyât sur la terre des hommes vraiment saints et pieux, capables de donner leur vie pour établir la religion vraie, et pour chasser les religions fausses du milieu des vivants. Chapitre 30. Ce que pensaient, de leur propre aveu, les païens eux-mêmes touchant les dieux du paganisme. Cicéron, tout augure qu'il était, se moque des augures et gourmande ceux qui livrent la conduite de leur vie à des corbeaux et à des corneilles. De la Divination, livre 2. On dira qu'un philosophe de l'Académie, pour qui tout est incertain, ne peut faire autorité en ces matières. Mais dans son traité de la nature des dieux, Cicéron introduit au second livre Lucilius Balbus qui, après avoir assigné aux superstitions une origine naturelle et philosophique, ne laisse pas de s'élever contre l'institution des idoles et contre les opinions fabuleuses. Voyez-vous, dit-il, comment on est parti de bonnes et utiles découvertes physiques, pour en venir à des dieux imaginaires et faits à plaisir? Telle est la source d'une infinité de fausses opinions, d'erreurs pernicieuses et de superstitions ridicules. On sait les différentes figures de ces dieux, leur âge, leurs habillements, leurs ornements, leur généalogie, leur mariage, leurs alliances, tout cela fait à l'image de l'humaine fragilité. On les dépeint avec nos passions, amoureux, chagrins, colère, on leur attribue même des guerres et des combats, non seulement lorsque, partagés entre deux armées ennemies, comme dans Homère, les uns sont pour celle-ci, et les autres pour celle-là, mais encore quand ils combattent pour leur propre compte contre les titans ou les géants. Voyez le récit de ces combats dans la Théogonie d'Hésiode. Certes, il y a bien de la folie à débiter et à croire des fictions si vaines et si mal fondées. Cicéron, de la nature des dieux, livre 1er. Voilà les aveux des défenseurs du paganisme. Il est vrai qu'après avoir traité toutes ces croyances de superstition, Balbus en veut distinguer la religion véritable, qui est pour lui, à ce qu'il paraît, dans la doctrine des stoïciens. Ce ne sont pas seulement les philosophes, dit-il, mais nos ancêtres eux-mêmes qui ont séparé la religion de la superstition. En effet, ceux qui passaient toute la journée en prière et en sacrifice pour obtenir que leurs enfants leur survécussent, furent appelés superstitieux. Qui ne voit ici que Cicéron, craignant de heurter le préjugé public, fait tous ses efforts pour louer la religion des ancêtres, et pour la séparer de la superstition, mais sans pouvoir y parvenir. En effet, si les anciens Romains appelaient superstitieux ceux qui passaient les jours en prière et en sacrifice, cela ne l'était-il pas également, qui avait imaginé ces statues dont se moque Cicéron, ces dieux d'âge et d'habillement divers, leur généalogie, leur mariage et leurs alliances? Blâmer ces usages comme superstitieux, c'est accuser de superstition les anciens qui les ont établis. L'accusation retombe même ici sur l'accusateur qui, en dépit de la liberté d'esprit où il essaie d'atteindre en parole, était obligé de respecter en fait les objets de ses risées, et qui fut resté aussi muet devant le peuple qui les disait et abondant en ses écrits. Pour nous, chrétiens, rendons grâce, non pas au ciel et à la terre, comme le veut ce philosophe, mais au Seigneur, notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre, de ce que par la profonde humilité de Jésus-Christ, par la prédication des apôtres, par la foi des martyrs, qui sont morts pour la vérité, mais qui vivent avec la vérité, il a détruit dans les cœurs religieux, et aussi dans les temples, ces superstitions que Balbus ne condamne qu'en balbutiant. Note. Dans le dialogue de Cicéron sur la nature des dieux, les trois grandes écoles du temps sont représentées. Balbus parle au nom de l'école stoïcienne, Véléus au nom de l'école épicurienne, et Cotta, qui laisse voir derrière lui Cicéron, exprime les incertitudes de la nouvelle académie. Chapitre 31. Varron a rejeté les superstitions populaires et reconnu qu'il ne faut adorer qu'un seul Dieu, sans être parvenu toutefois à la connaissance du Dieu véritable. Varron, que nous avons vu au reste, et non sans regret, se soumettre à un préjugé qu'il n'approuvait pas, et placer les jeux scéniques au rang des choses divines, ce même Varron ne confesse-t-il point dans plusieurs passages, où il recommande d'honorer les dieux, que le culte de Rome n'est point un culte de son choix, et que, s'il avait à fonder une nouvelle république, il se guiderait, pour la consécration des dieux et des noms des dieux, sur les lois de la nature. Mais étant né chez un peuple déjà vieux, il est obligé, dit-il, de s'en tenir aux traditions de l'Antiquité, et son but, en recueillant les noms et les surnoms des dieux, c'est de porter le peuple à la religion, bien loin de la lui rendre méprisable. Par où ce pénétrant esprit nous fait assez comprendre que dans son livre sur la religion il ne dit pas tout, et qu'il a pris soin de taire, non seulement ce qu'il trouvait déraisonnable, mais ce qui aurait pu le paraître au peuple. On pourrait prendre ceci pour une conjecture, si Varron lui-même, parlant ailleurs des religions, ne disait nettement qu'il y a des vérités que le peuple ne doit pas savoir, et des impostures qu'il est bon de lui inculquer comme des vérités. C'est pour cela, dit-il, que les Grecs ont caché leurs mystères et leurs initiations dans le secret des sanctuaires. Varron nous livre ici toute la politique de ces législateurs réputés sages, qui ont jadis gouverné les cités et les peuples, et cependant rien n'est plus fait que cette conduite artificieuse pour être agréable aux démons, à ces esprits de malice qui tiennent également en leur puissance et ceux qui trompent et ceux qui sont trompés, sans qu'il y ait un autre moyen d'échapper à leur joug que la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce même auteur, dont la pénétration égale la science, dit encore que ceux-là seuls lui semblent avoir compris la nature de Dieu, qui ont reconnu en lui l'âme qui gouverne le monde par le mouvement et l'intelligence. On peut conclure de là que, sans posséder encore la vérité, car le vrai Dieu n'est pas une âme, mais le créateur de l'âme, Varron toutefois, s'il eût pu secouer le joug de la coutume, eût reconnu et proclamé qu'on ne doit adorer qu'un seul Dieu qui gouverne le monde par le mouvement et l'intelligence, de sorte que toute la question entre lui et nous serait de lui prouver que Dieu n'est point une âme, mais le créateur de l'âme. Il ajoute que les anciens Romains, pendant plus de 170 ans, ont adoré les dieux sans en faire aucune image. Et si cet usage, dit-il, s'était maintenu, le culte qu'on leur rend en serait plus pur et plus saint. Il allègue même, entre autres preuves, à l'appui de son sentiment, l'exemple du peuple juif, et conclut sans hésiter que ceux qui ont donné les premiers au peuple les images des dieux, On détruit la crainte et augmente l'erreur, persuadé avec raison que le mépris des dieux devait être la suite nécessaire de l'impuissance de leur simulacre. En ne disant pas qu'ils ont fait naître l'erreur, mais qu'ils l'ont augmentée, il veut faire entendre qu'on était déjà dans l'erreur à l'égard des dieux, avant même qu'il y eut des idoles. Ainsi, quand il soutient que ceux-là seuls ont connu la nature de Dieu, qui ont vu en lui l'âme du monde, et que la religion en serait plus pure, s'il n'y avait point d'idole, qui ne voit combien il a approché de la vérité? S'il avait eu quelque pouvoir contre une erreur enracinée depuis tant de siècles, je ne doute point qu'il n'eût recommandé d'adorer ce Dieu unique par qui il croyait le monde gouverné, et dont il voulait le culte pur de toute image. Peut-être même, se trouvant si près de la vérité, et considérant la nature changeante de l'âme, eût-il été amené à reconnaître que le vrai Dieu, créateur de l'âme elle-même, est un principe essentiellement immuable? S'il en est ainsi, on peut croire que dans les conseils de la Providence toutes les railleries de ces savants hommes contre la pluralité des dieux étaient moins destinées à ouvrir les yeux au peuple qu'à rendre témoignage à la vérité. Si donc nous citons leurs ouvrages, c'est pour y trouver une arme contre ceux qui s'obstinent à ne pas reconnaître combien est grande et tyrannique la domination des démons, dont nous sommes délivrés par le sacrifice unique du sang précieux versé pour notre salut, et par le don du Saint-Esprit descendu sur nous. Chapitre 32. Dans quel intérêt les chefs d'État ont maintenu parmi les peuples de fausses religions? Varron dit encore, au sujet de la génération des dieux, que les peuples s'en sont plutôt rapportés aux poètes qu'aux philosophes, et que c'est pour cela que les anciens romains ont admis des dieux mâles et femelles, des dieux qui naissent et qui se marient. Pour moi, je crois que l'origine de ces croyances est dans l'intérêt qu'ont eu les chefs d'État à tromper le peuple en matière de religion, en cela imitateurs fidèles des démons qu'ils adoraient, et qui n'ont pas de plus grande passion que de tromper les hommes. De même, en effet, que les démons ne peuvent posséder que ceux qu'ils abusent, ainsi ces faux sages, semblables aux démons, ont répandu parmi les hommes, sous le nom de religion, des croyances dont la fausseté leur était connue, afin de resserrer les liens de la société civile et de soumettre plus aisément les peuples à leur puissance. Or, comment des hommes faibles et ignorants auraient-ils pu résister à la double imposture des chefs d'État et des démons conjurés? Chapitre 33. La durée des empires et des rois ne dépend que des conseils et de la puissance de Dieu. Ce Dieu donc, auteur et dispensateur de la félicité, parce qu'il est le seul vrai Dieu, est aussi le seul qui distribue les royaumes de la terre aux bons et aux méchants. Il les donne, non pas d'une manière fortuite, car il est Dieu et non la fortune, mais selon l'ordre des choses et des temps qu'il connaît et que nous ignorons. Ce n'est pas qu'il soit assujetti en esclave à cet ordre. Loin de là, il le règle en maître et le dispose en arbitre souverain. Aux bons seuls il donne la félicité, car, qu'on soit roi ou sujet, il n'importe, on peut également la posséder comme ne la possédait pas. Mais nul n'en jouira pleinement que dans cette vie supérieure où il n'y aura ni maître ni sujet. Or, si Dieu donne les royaumes de la terre aux bons et aux méchants, c'est de peur que ceux de ses serviteurs dont l'âme est encore jeune et peu éprouvée, ne désirent de tels objets comme des récompenses de la vertu et des biens d'un grand prix. Voilà tout le secret de l'Ancien Testament qui cachait le nouveau sous ses figures. On y promettait les biens de la terre, mais les âmes spirituelles comprenaient déjà, quoique sans le proclamer hautement, que ces biens temporels figuraient ceux de l'éternité, et elles n'ignoraient pas en quel don de Dieu consiste la félicité véritable. Chapitre 34. Le royaume des Juifs fut institué par le vrai Dieu, et par lui maintenu, tant qu'ils persévérèrent dans la vraie religion. Au surplus, pour montrer que c'est de lui, et non de cette multitude de faux dieux adorés par les Romains, que dépendent les biens de la terre, les seuls où aspirent ceux qui n'en peuvent concevoir de meilleurs. Dieu voulut que son peuple se multipliât prodigieusement en Égypte, d'où il le tira ensuite par des moyens miraculeux. Cependant les femmes juives n'invoquaient point la déesse Lucine, quand Dieu sauva leurs enfants des mains des Égyptiens qui les voulaient exterminer tous. Exode 1, 15. Ses enfants furent allaités sans la déesse Rumina, et mis au berceau sans la déesse Cunina. Ils n'eurent pas besoin d'Éduca et de Pokina pour boire et pour manger. Leur premier âge fut soigné sans le secours des dieux enfantins. Ils se marièrent sans les dieux conjugaux, et s'unirent à leurs femmes sans avoir adoré Priape. Bien qu'ils n'eussent pas invoqué Neptune, la mer s'ouvrit devant eux, et elle ramena ses flots sur les Égyptiens. Ils ne s'avisèrent point d'adorer une déesse Mania, quand ils reçurent la marine du ciel, ni d'invoquer les nymphes. Du rocher frappé par Moïse, jaillit une source pour les désaltérer. Ils firent la guerre sans les folles cérémonies de Mars et de Bélone, et s'ils ne furent pas, j'en conviens, victorieux sans la victoire, ils virent en elle, non une déesse, mais un don de leur Dieu. Enfin ils ont eu des moissons sans Ségétia, des bœufs sans Bubona, du miel sans Mélona, et des fruits sans pomone. Et, en un mot, tout ce que les Romains imploraient de cette légion de divinité, les Juifs l'ont obtenu, et d'une façon beaucoup plus heureuse, de l'unique et véritable Dieu. S'ils ne l'avaient point offensé en s'abandonnant à une curiosité impie, qui, pareille à la séduction des arts magiques, les entraîna vers les dieux étrangers et vers les idoles, et finit par leur faire verser le sang de Jésus-Christ, nul doute qu'ils n'eussent maintenu leur empire, sinon plus vaste, au moins plus heureux que celui des Romains. Et maintenant les voilà dispersés à travers les nations, par un effet de la providence du seul vrai Dieu, qui a voulu que nous puissions prouver par leurs livres que la destruction des idoles, des autels, des bois sacrés et des temples, l'abolition des sacrifices, en un mot que tous ces événements, dont nous sommes aujourd'hui témoins, ont été depuis longtemps prédits, car si on ne les lisait que dans le Nouveau Testament, on s'imaginerait peut-être que nous les avons controuvés. Mais réservons ce qui suit pour un autre livre, celui-ci étant déjà assez long. Markendanarchive.org, 2019. D'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.